1 Corinthiens chapitre 10. Or mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez, que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont tous passé par la mer, et qu'ils ont tous été baptisés par Moïse, en la nuée et en la mer, et qu'ils ont tous mangé d'une même viande spirituelle, et qu'ils ont tous bu d'un même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau de la pierre spirituelle qui les suivait, et la pierre était Christ. Mais Dieu n'a point pris plaisir en plusieurs d'eux, car ils ont été accablés au désert. Or ces choses ont été des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions point des choses mauvaises, comme eux-mêmes les ont convoitées, et que vous ne deveniez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, ainsi qu'il est écrit, « Le peuple s'est assis pour manger et pour boire, et puis ils se sont levés pour jouer, et afin que nous ne nous laissions point aller à la fornication, comme quelques-uns d'eux s'y sont abandonnés, et il en est tombé en un jour 23 000, et que nous ne tentions point Christ, comme quelques-uns d'eux l'ont tenté, et ont été détruits par les serpents, et que vous ne murmuriez point, comme quelques-uns d'eux ont murmuré, et sont péris par le destructeur. Or toutes ces choses leur arrivaient en exemple, et elles sont écrites pour notre instruction, comme étant ceux auxquels les derniers temps sont parvenus. Que celui donc qui croit demeurer debout, prenne garde qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous a éprouvé, qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il vous en fera trouver l'issue, afin que vous la puissiez soutenir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction, laquelle nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ, et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps de Christ? Parce qu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps, car nous sommes tous participants du même pain. Voyez l'Israël selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices, ne sont-ils pas participants de l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose, ou que ce qui est sacrifié à l'idole, soit quelque chose? Non. Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient aux démons, et non pas à Dieu, or je ne veux pas que vous soyez participants des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons, vous ne pouvez être participants de la table du Seigneur, et de la table des démons. Voulons-nous inciter le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas convenables. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. Que personne ne cherche ce qui lui est propre, mais que chacun cherche ce qui est pour autrui. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous en enquérir pour la conscience. Car la terre est au Seigneur, avec tout ce qu'elle contient. Que si quelqu'un des infidèles vous convie, et que vous y vouliez aller, mangez de tout ce qui est mis devant vous, sans vous en enquérir pour la conscience. Mais si quelqu'un vous dit, cela est sacrifié aux idoles, n'en mangez point, à cause de celui qui vous en a averti, et à cause de la conscience, car la terre est au Seigneur, avec tout ce qu'elle contient. Or je dis la conscience, non pas la tienne, mais celle de l'autre, car pourquoi ma liberté serait-elle condamnée par la conscience d'un autre? Et si par la grâce j'en suis participant, pourquoi suis-je blâmé pour une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout à la gloire de Dieu. Soyez tel que vous ne donniez aucun scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Comme aussi je complais à tous en toutes choses, ne cherchant point ma commodité propre, mais celle de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés.